13-40, exercice test, forme verbale. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez... Vous allez à Chartres ? Et vous écrivez... Oui, je vais à Chartres. 1. Vous venez ? Deux. Vous devez venir. Trois. Vous voulez venir. Quatre. Vous pouvez venir. Cinq. Vous savez l'heure qu'il est? Vous voyez? 7. Vous connaissez Marie-Laure? 8. Vous comprenez? 9. Vous tenez le bateau? 10. Vous essayez?